Portrait d'assaut sur Fadjet. L'association au jardin de la Zabel co-organise avec Odyssée Touloise un événement. Ce sera le samedi 22 avril à Bulligny, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Et pour nous en parler, bien, nous avons la Zabel au micro de Fadjet. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Radio Fadjet. Vous êtes présidente de l'association au jardin de la Zabel, une association qui a été créée. Alors, premier événement en 2017, hein, c'est ça? Oui, en juin 2017, dans mon jardin. Et on était très peu, on était une dizaine d'exposants et on a dû avoir une douzaine de visiteurs. Et ensuite, créé officiellement avec des dépôts de statuts, d'associations et déclarations journal officiel en mars 2018. Donc là, on a juste 5 ans. Juste 5 ans. Et pour cet anniversaire, vous avez une belle surprise. Oh là là, ah. Oui. Depuis lundi, on a reçu un courrier de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle que notre association est reconnue d'utilité publique au titre de la sensibilisation à l'environnement et à l'écologie. Ce qui est quand même une grande fierté, une belle victoire pour simplement, finalement, quand même 5 ans d'existence. Voilà, une belle reconnaissance en tout cas. Donc on va découvrir un peu le programme de cette journée, mais avant ça, dans cette première partie, on va découvrir un peu plus votre association, voilà, qui a 5 ans aujourd'hui. L'idée de départ, ce premier événement, comment vous l'avez créé, pourquoi ? Alors l'idée de départ, c'est que pour mon deuxième métier actuel, je suis dans le bien-être et l'accompagnement. Je souhaitais donc réunir, on va dire, des praticiennes de ma famille de métier, mais en même temps, avec tout de suite l'hypothèse que quelqu'un qui va chercher du bien-être, que ce soit massage, une pratique quelconque, sophrologie, etc., en fait, va sans doute aller chercher du légume bio, va peut-être faire des cours de tai chi, de yoga, etc., mais avec beaucoup de choses à découvrir, parce que des fois, on a croisé les mots, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, est-ce que c'est bon pour nous, etc. Donc l'idée, c'était vraiment information, quoi. Information du public et tout de suite atelier de pratique, parce que très souvent le mieux c'est expérimenter et après aller chercher des tutos sur le net, quoi. Oui. Voilà, donc ça c'était donc mettre le bien-être en avant, et ça c'est notre singularité au jardin de la Zabel, et après décliner tous les items de la transition écologique tels que les a déclinés Rob Hawkins en 2005, je crois, ça doit commencer à faire une paire d'années, la biodiversité, tout ce qui est alimentation bio, la culture, maraîchage, agro-silvopastoralisme, etc., climat, énergie, économie sociale solidaire, la citoyenneté, habitat, éducation, transport aussi, avec des choses justement collectives, et puis solidarité internationale, puisqu'en fait, nous habitons une seule terre et les frontières ne sont qu'une création d'un humain. Et j'en ai oublié certainement. Ce premier événement qui essayait de rassembler un peu tous ces concepts, tous ces idées. Voilà, absolument. Donc, on a eu une école alternative, des pratiques diverses de corps, une brasserie locale, traditionnelle, la monnaie locale citoyenne, le florac, bien sûr. Ici, tous les anciens connaissent. Et donc, 2017, en juin 2017, on se réunit comme ça, et puis on recommence en juin 2018. Et il y a aussi tout de suite l'idée d'avoir un invité d'honneur. Et cet invité d'honneur, d'une façon vraiment cadeau, avec beaucoup d'étonnement, puisque je ne le connaissais pas et il ne nous connaissait pas, évidemment, on n'avait pas d'existence quasiment, c'est monsieur le maire de Les-Voivre, qui est Michel Fournier, je crois, et qui est actuellement devenu président des maires ruraux de France. Donc, qui est venu témoigner de ce qu'il faisait pour l'écologie, l'environnement, mais du coup au sens large, parce que ça concerne, comme je viens de le dire, la citoyenneté, les paysages, et autant, voilà. On ne l'a pas cité, mais le lieu d'action du Jardin de la Zabel, on a parlé que vous êtes avec l'association Odyssée Touloise pour l'événement du 22 avril, donc on est dans le Toulois. C'est ça, absolument, on est entre tous les Colombes et les Belles, donc le siège social c'est Bulligny pour le Jardin de la Zabel, et Odyssée Touloise, comme son nom l'indique, c'est Toul, avec Sylvie Rondy, sa présidente, qui est avec moi de cœur, mais qui travaille ce matin. Donc ce premier événement, mais qu'est-ce qui vous a donné envie en plus de créer une association, parce qu'on pouvait peut-être juste continuer à organiser des événements comme ça, mais d'aller au-delà, de créer une structure autour de ça? Mais c'était tout de suite pour avoir une reconnaissance officielle, d'abord. Oui. Et ensuite, dans l'idée un peu généreuse de que ces événements-là soient d'entrée libre et d'accès libre et tout public, etc. En fait, on joue des jeux de subvention avec des collectivités locales. Donc, oui. Conseil départemental, communauté de communes, etc. Je vais en parler sans doute tout à l'heure. Et donc, évidemment, on ne peut recevoir une subvention que si on a une existence officielle, quoi. Le Jardin de la Zabel, création, donc l'association en 2018. Voilà. Voilà. Et depuis, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, la grande surprise après l'événement de 2018 dans mon jardin, où donc on était très peu, hein, je vous ai dit, entre 10 et 15 exposants et 10 et 15 visiteurs, parce que c'était un peu incongru. Sachant, oui, petit clin d'œil, pour voilà, ceux qui connaissent, c'est que Bulligny est très, très, très connu pour son jardin du Michel. Bien sûr. Puisque maintenant, le jardin du Michel est délocalisé à Toul. Fin de 2018, en fait, on a une grande surprise. Nous sommes invités par, à l'époque, quelqu'un qui était animateur à la Cité des Paysages de Sion, qui est donc un site du conseil départemental, oui, qui s'appelle Thibaut Protois, que je connaissais depuis très très longtemps et de mon ancien métier, qui nous dit, bah, en fait, je vous intègre à la programmation de la Cité des Paysages. Mais là, c'est que ça change de braquet, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'entre mon jardin et l'immense, magnifique jardin verger et la Cité des Paysages, en fait, ça a été un déploiement presque obligé, puisque pour prendre possession de ce lieu, il ne faut pas être seulement 12. Voilà. Et en fait, il y a eu une synergie de plein de monde, puisque Sion, c'est un site que tout le monde connaît, qui est extrêmement prestigieux, qui est haut en qualité environnementale, éducationnelle et puis énergétique. Donc en fait, il y a plein de monde qui a répondu oui. Voilà. Et puis, on a eu l'aval du directeur de l'époque, Thibaut Valois, qui est maintenant dans le Lunévillois. Et puis, en fait, on s'est installé. Ouais. On a une convention, en fait, qui régit notre partenariat entre la Cité des Paysages, donc conseil départemental, et notre association, le temps d'un week-end. Voilà. Donc, 2019, 2020, 2021, on passe miraculeusement entre les gouttes du Covid. Mmh. En fait, on a une belle étoile, sans doute, qui veille sur nous. Et puis, 2022, T1, en fait, j'ai la difficulté de devoir dire non. On est 75 exposants et je dois dire non à 10 exposants. Donc, sinon, ça aurait fait 85. Mmh. Et en fait, c'est absolument impossible. On est une toute petite équipe d'organisation de 4 bénévoles qui n'ont jamais rien fait d'événementiel. Enfin, c'est juste oui, de vous cœur. Apprenez tout sur le tas. Voilà, absolument. Et donc, pour moi, c'est très, très douloureux de devoir dire non à des gens parce que notre événement est beau et ce qu'ils ont à dire, c'est vraiment super intéressant pour tout le monde. On a plein de monde. Pour vous dire, c'est quand même des événements sur deux jours où on est 75 exposants, 3500 personnes quoi, en deux jours. Hein. Et donc, tout de suite, nous vient en réunion de bureau la nécessité en fait, d'un essaimage. Comme les ruches. Vous savez, quand il y a deux reines, il y en a une qui prend une poignée de la une partie de l'essaim, qui va faire un essaim plus tard, plus loin, pour trouver une autre ruche. Et donc, 2022, on va aller essaimer avec le relais famille de Badonvillé, vers le lac de Pierre-Percé. Oui. Voilà. Et donc, de nouveau, un petit événement de week-end où on est une quarantaine d'exposants, alors donc plutôt sur le territoire de Badonvillé, les pays de Vezouze, je crois le nom exact de la Comcom. Et puis, l'idée de co-organiser avec une autre association, ce qu'on va retrouver là encore, là maintenant, pour avec le 22 Odyssée avril, Touloise, avec oui. Odyssée Touloise. Mmh. Voilà. Parce que il y a aussi quelque chose d'aligné entre on lit ou je dis, moi de temps en temps, vous savez, ensemble on est plus fort, tout seul on va plus vite, mais ensemble on est plus fort. Voilà, qui n'est pas une phrase de moi, mais je ne sais plus qui l'a dite. Et en fait, c'est exact, puisqu'en fait, on mélange nos compétences, nos valeurs, mais on a d'autres moyens de les faire, d'autres activités. Voilà, bon. Et ça donne naissance à cet événement, par exemple, du 22 avril, qui est fabuleux pour cette année, puisque cette année, pour finir de présenter, on va co-organiser un événement là à Voix-Vacon, qui va être notre premier essaimage meusien avec l'association Sauffrevoix. Donc ensuite, 22 avril, là, avec Odyssée Touloise de Toul, le 22 avril. Ensuite, on co-organise à Xirocourt fin mai avec l'association Être Écolier. Et on retourne, bien sûr, à Sion, un peu fidèle maintenant, début juillet. Une progression en 5 ans assez incroyable, vous imaginiez peut-être pas. Enfin, je pense que la non. création de cette association a vraiment répondu à un besoin sur voilà, le territoire, ça. En fait. Voilà, c'est ça, absolument. L'idée devait être comme ça, passer dans le vent et hop, je l'ai attrapé. Voilà, ça aurait pu s'éteindre tout aussi vite, mais là, ça a pris parce qu'il y avait du monde à côté de nous. Et puis, en fait, merci Covid, quoi, quand même, parce que ça a c'est posé vrai. Des questions essentielles et sur la santé de l'humain pour tout ce qui est de l'ordre de la prévention. Nous, on ne va pas marcher sur le côté une fois que vous êtes malade, mais prendre soin de soi avant d'être malade. Et puis, c'est ce qu'on appelle le concept One Health, si vous en avez entendu parler, c'est-à-dire la santé commune, conjointe de l'environnement, des animaux et des humains. En fait, c'est une synergie qui a été créée donc avec des vétérinaires, des médecins et tous les professionnels de la nature. Donc oui, on est dans l'air du temps. Donc comme ce rendez-vous du 22 avril dont on va parler, on va faire une petite pause musicale avant d'en parler. Vous avez choisi l'hymne de nos campagnes et on l'écoute tout de suite et on se retrouve pour parler donc de ce rendez-vous le samedi 22 avril avec Odyssée Touloise et le Jardin de la Zabel à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose. mettre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le couler de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, hey, il y a la mer, et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos campagnes, interprétée par Trio. C'était le choix musical de notre invitée aujourd'hui, Isabelle, présidente de l'association Au Jardin de l'Azabelle. Et après avoir découvert cette association, donc aujourd'hui reconnue d'utilité publique, eh bien on va découvrir cet événement du 22 avril que vous co-organisez avec Odyssée Touloise à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Ça se passe où et pourquoi cet événement? Alors c'est donc à Bulligny, entre Colombey-les-Belles et Toul. C'est le samedi 22 avril et là on s'est inscrit dans la date fixée par cette journée mondiale, en fait, Journée mondiale de la Terre 2023, qui a lieu depuis plusieurs années. Et donc, c'est Sylvie Randy, présidente de l'association Odyssée Touloise, qui est venue me trouver un jour en me disant qu'elle avait envie de créer... Elle est plutôt vraiment centrée sur des randonnées. Elle a une très grosse association, je pense, d'une centaine de randonneurs, des marches de toute taille, hein, des très longues ou des très courtes. Et elle fait aussi des marches méditatives, enfin, voilà. Oui. Et je ne peux pas parler à sa place et j'en suis navrée, c'est, voilà. Elle était invitée mais voilà, elle complétera autrement, qui me dit j'ai envie qu'on interagisse tous les deux, nos deux associations à cette occasion, Journée mondiale de la Terre. Et nous ça tombe bien parce que en dehors de notre événementiel avec les rencontres d'écologie humaine, en 2021, on a ressenti la nécessité de faire quelque chose d'autre que l'événementiel et est née l'idée de créer une randonnée pédestre à l'intérieur de notre village. D'accord. Qu'on a appelée randonnée du Pivert, parce que c'est une randonnée qui met en l'honneur nos arbres fruitiers remarquables. On est dans un territoire où il y a beaucoup de vignes, ça tout le monde le sait. Ah bien c'est sûr, les côtes le de Toul. Mais on a aussi beaucoup de vergers magnifiques et pas que des mirabelles. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de mirabelliers, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et on a des poiriers centenaires, des noyers qui ont des envergures de 25 mètres, etc. Et moi, j'habite depuis très peu à Bulligny, j'y habite depuis 7-8 ans. Et en fait, personnellement, déjà, j'étais tombée complètement amoureuse du paysage. Et peut-être, on s'est dit en réunion de bureau, bah, peut-être cette association, ça peut être ça aussi, pour être à Bulligny dans quelque chose de plus pérenne, vous voyez. Oui. Parce qu'un événement, bah, c'est ponctuel, c'est éphémère. Alors que là, une randonnée, tout le monde pourra y aller. On est dans un secteur où il y a beaucoup de randonnées. Et donc, 2021, on est parti sur un projet triennal 2021, 2022, 2023. Mise en beauté artistique des deux entrées de village et créer une signalétique autour de 12 arbres fruitiers remarquables. Et donc, comme je viens de le dire, c'est un triennal, donc il va s'arrêter normalement cette année. Ce projet-là, la randonnée devra être finie cette année. La proposition de Sylvie Randy avec son idée « Tiens, Isabelle, si on faisait quelque chose sur la journée mondiale de la Terre », je me suis dit « Ben, écoute, ok, on fait quelque chose et en plus, on va inaugurer notre randonnée de façon officielle. » Donc, c'est un mixte, journée mondiale de la Terre et inauguration de la randonnée du Puy Vert ce samedi 22 avril. Dès 7h30, on pourra aller randonner et puis... Absolument. Il y aurait plusieurs circuits. Hein. Voilà. Donc, Sylvie propose, et vous allez trouver les liens sur son site, soit Odyssée Toulois, soit via LOASO pour s'inscrire à 3 randos, un 7 km, un 15 km et un 23 km, à partir effectivement de 7h30. Donc, 7h30 départ de la 23 km, c'est pour le 23 km. 8h30 départ de la 15 et 9h30 départ de la 7 km, avec une action plogging, par exemple, vous savez, le ramassage des déchets en forêt, puisque malheureusement, même dans nos forêts, on trouve l'occasion de ramasser en plus, de faire un beau geste. Absolument, c'est ça pour la nature, puisqu'on est journée mondiale de la Terre. Et en fait, cet événement, ça a fait vraiment comme la boule de neige, c'est-à-dire de notre hypothèse et surtout de nos carnets d'adresses et de nos idées mutuelles de randonneurs, naît un projet qui va être quand même qu'une seule journée, où on va être entre 30 et 40 animateurs et exposants, puisque... Mais il y aura un marché des créateurs. Voilà, absolument. Dans nos rencontres d'écologie humaine, ce qu'on fait donc en événementiel, par exemple à la Cité des Paysages ou dans nos sites d'essaimage, c'est toujours construit sur 5 verbes piliers. Accueillir, donc ça c'est notre petite équipe d'accueil, vendre, informer, expérimenter et exposer. Et si vous mettez les 5 verbes l'un au-dessus de l'autre et que vous lisez la première lettre, A, V, I, E, ça fait la vie. Ça c'est chouette. Donc vendre, on s'est dit pour le 22 avril, on garde notre concept, nos 5 verbes piliers. Donc nous, on sera là en accueil. Vendre, il y aura un grand marché de producteurs. Informer, des tables rondes. Expérimenter, il y aura des ateliers, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, évidemment, puisqu'on a aussi invité le soleil. Et exposer, il y a toujours des démarches artistiques, parce que contrairement à ce qu'on a entendu en 2020, l'art est essentiel à notre bien-être intérieur. Le message est passé. Et donc, des expositions, il y aura même de la musique en fin de journée, je crois. Voilà, on finira en chantant. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, marché de créateurs, marché de producteurs locaux, des expositions, des tables rondes, de la marche à partir de 7h30 pour les plus courageux, parce que 23 km, il faut quand même les enquiller. Mais 7 km, c'est beaucoup plus accessible déjà. Donc 7, 15 ou 23 km pour découvrir cette randonnée du Puy Vert et à partir de 9h30 pour le marché. Absolument. Donc le marché de créateurs, c'est entre 9h30 et 17h30 au préau. Donc le préau, comme son nom l'indique, c'était un préau de l'ancienne école de Bulligny, qui est maintenant fermée puisqu'il y a un regroupement scolaire. Et à côté du marché de créateurs et dans le préau, il y a donc l'ancienne salle de classe. Et cette ancienne salle de classe, donc sur une école de 1880, vous savez, les belles écoles qui ont une grosse centaine d'années, créées par Jules Ferry, etc. Petit clin d'œil à mon ancien métier. Il y aura des ateliers soit artistiques, soit genre zéro déchet, vous savez, fais ta pierre blanche toi-même, coûte à lingette à démaquiller toi-même, etc., par nos partenaires à nous. Ça, c'est aussi quelque chose à quoi on tient. C'est toujours l'histoire de entrée libre, tout public, toute famille. Donc, on est en rez-de-chaussée, c'est accessible à tous, parce qu'il faut penser aussi à nos anciens qui peuvent aussi venir, puisque tout est d'accès libre. Et puis, par contre, les ateliers nature, comme je l'ai dit, seront un petit peu plus loin dans un verger ou un jardin à l'extérieur. Voilà. Vous avez cité une exposition aussi, une exposition de quoi? Alors des photos? Alors là, on va avoir l'atelier du 25 qui nous fait quelque chose sur les pierres du sous-sol lorrain, pardon. On aura une céramiste, Chemin de Terre, Françoise Potier, qui vient. On est resté aussi un peu sur le thème terre et poterie, par exemple, puisque c'était quand même la journée de la terre. Et puis, c'est qu'à 14h15, donc, sur une des deux parcelles d'entrée du village, côté Bulligny-Bagneux, inauguration de notre randonnée. Alors, on a fait une invitation à des officiels, s'ils veulent venir nous faire une présentation. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier, j'en profite, puisque cet événement, s'il est gratuit pour tous, c'est encore une fois qu'il y a un jeu de subventions. Donc, on a le Conseil départemental 54, qui est un fort soutien au titre de la transition écologique, qui est quand même inscrit sur le fronton de l'hôtel du département. Notre communauté de communes, donc Colombey-les-Belles et toutes les communes autour, Bulligny bien sûr, puisque nous sommes à Bulligny. La Journée de la Terre, qui nous offre aussi, et puis nos deux associations qui mettent tous ensemble leurs compétences, leur savoir-faire, leur énergie et leur joie aussi. Parce que vous avez bien compris que c'est aussi un endroit qui va être festif. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup de sourires le jour-là. On le dit, on le dit. Le Jardin de la Zabelle et donc l'association Odyssée Touloise qui vous donne rendez-vous le samedi 22 avril à Bulligny pour la Journée mondiale de la Terre. Bien sûr, on peut retrouver toutes les infos, bien sûr les réseaux sociaux, Facebook, LOASO aussi, vous l'avez cité. Oui, et puis donc les deux sites Odyssée Touloise et puis nos pages Facebook. Voilà, on mettra bien sûr ces adresses sur le site de la radio fadjet.net. Et c'est un rendez-vous que vous imaginez renouveler tous les ans ou c'est un one-shot? Ça risque de nous donner envie de recommencer. C'est vrai, peut-être différemment, mais ça ne s'arrêtera pas là. Mais pour une première édition, déjà, on fédère une quarantaine de personnes. Mm-hmm. Donc c'est déjà fabuleux, c'est cadeau, quoi. Après, les visiteurs seront-ils au rendez-vous et le soleil, puisque évidemment, si on randonne et qu'on est en pleine nature, voilà. Mais la Journée mondiale de la Terre, malheureusement, si c'était les 364 autres jours, ce serait bien aussi, vous voyez. Tout le monde a bien entendu que c'est nécessaire et qu'il est question de transition climatique, quoi. Parce qu'au-delà du rire, il y a une vraie prise de conscience nécessaire pour modifier des attitudes sur l'eau, l'air, la terre en général. Oui, j'ai oublié de raconter une chose vite fait, c'est que c'est né en avril 2017 parce que j'ai eu la chance de devenir mamie, moi, pour la première fois, dédicace à la première de mes 5 étoiles, puisque maintenant j'en ai 5. Et quand je l'ai reçue dans les bras, comme ça, ma fille m'a mis le bébé dans les bras, et il y a eu une double émotion. C'est la joie, évidemment, je le premier bébé. Et puis, instantanément, dans quel monde arrive-t-elle? Et qu'est-ce que moi, je peux faire instantanément, comme avec seulement une énergie de mamie? Je ne suis plus une maman. Voilà, j'ai fait mon métier de maman. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment dans le compost du Jardin de la Zabelle. Il y a œuvrer pour les générations futures, quoi. C'est-à-dire, après moi, après mon décès, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment ça va être? À la vitesse à laquelle ça va? Tous les cris d'alarme. Vous avez cité Marie-Monique Robin, que vous avez eu la gentillesse de relayer, qui est venue nous présenter Fabrique de pandémie. Et ça nourrit notre énergie, parce que ce qu'elle dit, c'est OK, il y a une catastrophe, on est pessimiste, ça c'est le contrat objectif, mais on peut agir avec optimisme, créer, continuer de créer, parce que l'être humain a une créativité fabuleuse, abyssale, enfin géante. Donc voilà, et en synergie, on est encore plus fort. En fait, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc ça, c'est la magie, quoi. Et ça, j'aime cette magie-là. Et on sera bien plus que 3 le 22 avril pour passer la journée avec vous, avec tous les producteurs, les créateurs qui seront là. Et puis, on peut marcher dès 7h le matin. Donc allez, on retrouve toutes les infos, bien sûr, sur le site de la radio et sur les sites de l'association Jardin de la Zabelle. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, Fadjet. Merci. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.